ça va faire un grand écart par rapport à la présentation de Thomas, qui est dans une position où il traite les questions d'un point de vue extrêmement macroscopique. Et moi, je suis médecin. Donc, caractéristique des approches médicales, c'est vraiment les approches individuelles. Donc, c'est vraiment la question prise par complètement votre bout. Trois mots de présentation. Hein. Je suis enseignant-chercheur donc à l'Université de Lyon, médecine, retraité là depuis quelques mois. Et donc, je travaille. Alors, moi, je ne parle pas de risques psychosociaux, si vous voulez. Enfin, j'ai mis risques psychosociaux parce que c'est le titre, mais c'était prévu. Hein. C'était prévu que je parle de la façon dont j'aborde cette affaire-là. Donc, je parlais plutôt d'approche en termes de clinique médicale du travail. En termes de parcours, j'étais dans ces aventures-là avec deux jours dans les années 90, etc. Les premiers travaux importants sont antérieurs, hein, même à EDF, c'est au milieu des années 80. C'est quand même à partir de ces travaux qu'on a commencé à mettre en circulation l'idée qu'il y avait que le monde du travail était traversé par un conflit sur la qualité. Enfin, ces choses qui ont émergé largement dans la dernière période, ça fait longtemps qu'on les porte. Donc, travailler beaucoup avec deux jours, nos voies ont divergé parce qu'on ne tirait pas tout à fait les mêmes conséquences de tous ces travaux. Moi, j'étais en désaccord assez fortement avec Souffrance en France. J'ai continué à travailler et puis j'ai développé évidemment du fait de ma position toute une activité du côté de la prise en charge individuelle, hein, consultation de souffrance au travail à l'hôpital et donc la prise en charge de cas. Et puis autre caractéristique un peu importante de mon activité, à partir du constat d'un constat qu'on faisait systématiquement dans la prise en charge individuelle des salariés en difficulté, le fait qu'on pouvait travailler avec eux pour les aider à élaborer les conflits dans lesquels ils étaient prêts, mais qu'il n'y avait pas de réception sociale derrière, enfin, ils étaient isolés, et donc le travail du côté des organisations syndicales et de leur capacité à prendre en charge ces questions d'une façon ou d'une autre. En fait, une ligne de travail assez longue, parce que dans les années 80, avec Bernard Boucher, donc, qui interviendra après, déjà, on travaillait ensemble sur la capacité des militants syndicaux à prendre en charge les problèmes à ce niveau-là. Donc, je vais m'en tenir alors ma position vraiment médicale, parce que c'est celle qui permet de maximiser l'espace de discussion. Hein. On est aux deux extrémités avec Thomas. Et je vais partir de ce qu'il a situé là, à l'origine, là, les années 50, le modèle de Karasek. Alors avec une petite nuance, hein. Marie Chalard dit la psychologie, ça apparaît dans les années 50, etc. Non, enfin, moi, c'est pas la lecture que j'en ai. Chez les Suédois, là, il y a très peu de psychologie. C'est un courant scientifique extrêmement vivant à l'époque. Hein. Scandinavian Journal, c'est la revue dominante au plan académique, hein, à l'époque. Et ces gens-là, ils sont manifestement au confluent de deux courants, quoi. Ils sont en lien avec l'Est et avec l'Ouest. Et ça se sent extrêmement bien, puisque les travaux qui sont développés sont marqués par la théorie critique d'un côté, et donc la question de l'aliénation. Et Karasek dit clairement, hein, le modèle Karasek-Théorel, c'est un modèle de l'aliénation. Donc là, on est dans la tradition de la critique sociale, Marx, etc. Et puis, ils sont tous allés travailler chez Sellier au Canada et aux États-Unis, et ils sont ancrés dans les recherches biologiques sur le stress, avec là des choses qui sont aussi extrêmement importantes, qui ont été abandonnées quand même, que en santé au travail, ces travaux ne sont pas suivis. Et donc, la vision qu'on a du stress... Alors, je ne parle pas du stress, celui que tu as évoqué, qui est le stress dans le débat social. Hein. Je parle du stress comme concept scientifique, un concept biologique, immensément développé, dont la littérature de gare, qui est en général diffusée, rend extrêmement mal compte. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement solide aujourd'hui, avec des connaissances tout à fait importante. Donc, c'est pas tellement psycho, quoi, hein, à moins de faire des manuscrits 1844 de Marx, un ouvrage de psychologie. Mais non, c'est... non. Voilà. Et donc, ils vont produire ce modèle, hein, que vous connaissez, entre exigence psychologique, d'un côté les exigences psychologiques, et puis de l'autre côté, l'autonomie et le soutien social. Et autonomie, alors ça, il faudrait ouvrir là la boîte de toutes les discussions qu'il y a eu sur l'autonomie dans les milieux d'ergonomes, etc. Les ergonomes disent plutôt marge de manœuvre. C'est d'ailleurs ce qui est dans la liste des critères des risques psychosociaux. Mais l'autonomie chez Karasek, c'est pas du tout la marge de manœuvre. Hein. La marge de manœuvre, c'est est-ce que j'ai les possibilités de faire ce qu'on me demande ? Est-ce que je dispose des espaces de jeu qui me permettent de faire ce que le patron me demande? C'est ça la marge de manœuvre. Mais chez Karasek, l'autonomie, c'est non. C'est vraiment l'autonomie. C'est est-ce que je peux développer mes propres normes? C'est est-ce que je dispose dans le travail d'espace d'expression personnelle et de développement? Je vous ai mis les questions de Karasek, enfin, qui montre bien ça, mais bon, je vais passer vite parce que sinon... mais voilà, c'est... La question de la démocratie, elle est potentiellement posée déjà à ce niveau-là. Et puis, ce qui va émerger dans un deuxième temps, c'est soutien social. Et au bout du compte, le modèle de Karasek, donc Théorel, c'est un modèle de l'aliénation. Hein, Théorel le dit comme ça. Mais c'est un modèle du pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, il est lié aux espaces d'expression et de développement dont je dispose dans mon travail, et à la façon dont je suis soutenu ou pas socialement. Voilà. Et donc, vous avez un très joli modèle épidémiologique du pouvoir des gens. Une des références à l'arrière-plan, hein, c'est quand même, quand on dit pouvoir d'agir, puissance d'agir, c'est Spinoza de l'éthique, hein, peut-être ses forces de persévérer dans son être, avec des choses qui sont assez saisissantes, hein, quand même, chez Spinoza, quand il dit le développement du pouvoir d'agir est du côté de la joie, et l'amputation du pouvoir d'agir est du côté des passions tristes, ce qu'on appelle la dépression, etc. Enfin, toutes les pathologies du stress qu'on va pouvoir évoquer. Alors, un petit mot quand même sur l'arrière-fond biologique, et je vais prendre la base de la base, hein, les travaux qui se développent à cette époque aux États-Unis. Et qui marque très profondément la théorie biologique du stress, enfin au moins dans la littérature internationale, et une expérience princeps extrêmement importante. Vous avez trois rats, je vais faire vite, hein, trois rats, ils sont tous les trois dans la même situation, fixés sur un brancard, ils ont tous les trois une roue qui peuvent faire tourner en face, ils ont tous les trois la queue attachée à un fil. Voilà. Simplement, ça définit la situation de celui-là. Ceux-là, ils ont une petite particularité plus désagréable, c'est que le fil en question, il est sur un circuit électrique, et donc ils reçoivent des chocs électriques dans la queue. Enfin, donc, situation désagréable. Donc, celui-là, c'est le témoin. Hein. Ensuite, l'expérimentation porte sur la différence entre ces deux-là. La différence, elle tient au fait que ce rat-là, il a un circuit, là, qui, lorsqu'il tourne la roue, bloque les chocs électriques. Les animaux, ils apprennent extrêmement bien ça, très vite ça. Ils s'aperçoivent que quand ils tournent la roue, ils bloquent les chocs électriques, et ils les bloquent pour lui et pour son collègue, puisqu'ils sont tous les deux sur le même circuit. Donc le rat, assez vite, apprend que quand il tourne la roue, il n'y a pas de choc, donc il tourne la roue, et puis il y a des moments, il a ses pensées de rat, etc., ou peut-être il veut vérifier si maintenant c'est assez arrêté, etc., donc il arrête de tourner la roue, tac, il reprend les chocs, donc il retourne la roue. Et à la fin de l'expérimentation, donc, ces deux rats vont avoir pris un certain nombre de chocs, strictement les mêmes, hein, strictement le même nombre de chocs. Donc si on ramène le stress à la nuisance, ils sont strictement dans la même position. Après, on leur fait différentes choses, ça consiste souvent à les couper en petits morceaux pour regarder à l'intérieur qu'est-ce que ça fait, mais enfin, je vais simplifier. Quand ils ont fini, celui-là, il sort, ça va, pas de problème, il reprend sa vie, il va casser la côte, il va voir les femelles dans la cage, etc. Et tout va bien. On prend celui-là, on le remet dans le truc, exactement pareil que celui-là. On prend celui-là, on le remet, et plein de différentes choses, mais en gros, les pathologies du stress. Il va en particulier, il va manifester, il va présenter des ulcères gastriques, il va présenter des symptômes l'équivalent de la dépression chez l'animal. Hein. C'est sur ces modèles qu'on teste les molécules antidépresseurs. Hein. Ouais. Et donc, lui, il présente les pathologies du stress, c'est pas lui. Et alors ça, c'est quand même une expérience qui va avoir des conséquences tout à fait considérables. Hein. C'est, ça nous dit beaucoup de choses. Celui-là, il nous dit être exposé au stress, puisqu'il prend des chocs électriques, hein, mais en gardant la possibilité d'agir sur la situation, protège des pathologies du stress. Celui-là, il nous dit être protégé du stress, partiellement, mais sans avoir la possibilité d'agir sur la situation, expose aux pathologies du stress. Voilà. Et donc, dans la théorie biologique, le stress, c'est pas lié à la situation, c'est lié à la capacité ou non de pouvoir agir dessus. Et pas de la maîtriser totalement, la possibilité de rester actif. Il y aura beaucoup de développement. On peut, aujourd'hui, dans les travaux actuels, les Américains montrent comment il y a sécrétion d'un certain nombre de molécules qui protègent des facteurs neurotrophiques, qui protègent le cerveau dans les situations de stress, etc. Voilà. Dans la même période, les Soviétiques font des expérimentations du même ordre. Je ne vais pas les raconter, elles sont beaucoup plus sévères, mais qui montrent que les animaux, tant qu'on arrive à les maintenir dans une activité de recherche, dans une recherche active, enfin, d'exploration de leur environnement, ça les protège contre des attaques absolument, enfin je ne vais pas vous raconter, mais enfin absolument fascinant. Et donc voilà, enfin, la théorie du stress, c'est quand même plus plein d'autres choses, mais c'est ça, et c'est fondamentalement, c'est pas la question de la situation, c'est est-ce que les gens ont ou non la possibilité d'agir dessus. Alors ça, c'est des animaux, mais on peut essayer de voir comment ça va se passer du côté des humains. Alors, déjà, du côté des humains, quand on va s'intéresser au travail, on parle pas d'action, hein, on va parler dans un premier temps d'activité, hein, du côté des disciplines cliniques du travail, on parle d'activité. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un premier niveau, dans l'activité, il y a grande proximité entre ce qu'on va observer chez l'animal et ce qu'on va observer chez l'humain, parce que quand même, au bout du compte, on est à la base des animaux. Et donc, où diable va se situer la question de l'autonomie, puisque, au bout du compte, voilà, possibilité d'agir, possibilité de développer ses propres normes, etc., comme facteur de santé, comment ça va se situer? Alors, il y a un premier point, c'est qu'il faut liquider tout un tas d'idées qu'on a selon laquelle, enfin les idées spontanées selon laquelle dans l'action, dans le travail, enfin en gros vous êtes dans une situation, vous recevez un certain nombre de signaux que vous analysez, vous avez des stratégies de raisonnement, des anticipations des différentes évolutions possibles, et puis vous prenez une décision et votre cerveau envoie la décision à toute la machinerie mécanique, puis vous agissez. Si c'est comme ça, par exemple, tout ce qu'on dit sur la démocratie et sur les discussions sur le travail, ça pose pas trop de problèmes, puisque on a une idée, on l'applique. Donc, comme ça part d'une idée, la discussion, il suffit de mettre en circulation les idées qui font qu'on agit. Le problème, c'est que ça marche absolument pas comme ça. Il faut absolument abandonner l'idée. Voilà, c'est le sujet de l'idéologie libérale, hein, le sujet maître de lui, pilotant son activité sur la base d'une analyse rationnelle de la situation, et ça ne marche pas du tout comme ça. Alors les neuroscientifiques vous diraient, si c'était l'idée qui pilotait l'activité, si l'activité était assujettie à la réflexion consciente, l'action serait infiniment lente. Si vous deviez réfléchir en permanence à ce que vous allez faire, on n'existerait pas, il n'y aurait pas l'université Dauphine, etc. On aurait été bouffé par des bêtes il y a extrêmement longtemps, mais il n'y aurait pas d'humanité. Voilà. Et donc ça fonctionne parce que, justement, parce que ça ne fonctionne pas comme on croit, enfin, comme on croit naïvement. Alors, une des expériences vraiment majeures dans le champ, là, Un champ de discussion qui est dans la lecture anglo-saxonne, c'est caractérisé comme la discussion sur le free will, la libre volonté, enfin l'autonomie, le sujet maître de lui-même. C'est une expérience assez bête au début, c'est on demande juste à un sujet d'appuyer sur un bouton quand il veut. Donc il appuie avec la main droite ou avec la main gauche, simplement. Il note sur un dispositif qui marque le temps, il note quand est-ce qu'il décide. Et ça va permettre de... Alors ça a été repris en particulier sur les sujets qui discutent ensemble, quand ils décident de prendre la parole sollicitée par quelqu'un d'autre. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on leur colle des systèmes d'enregistrement. Et ce qu'on va montrer systématiquement dans ce genre de choses, c'est que le moment où le sujet prend la décision, par exemple de prendre la parole, est précédé par un processus de préparation qui est tout à fait non conscient. Si on met une échelle de temps, bon, vous avez des sollicitations de la situation qui vont se manifester par une activation de certaines zones préfrontales et pariétales qui correspondent à la mobilisation de l'expérience. Donc il y a des choses dans la situation qui mobilisent les mémoires émotionnelles et des expériences passées, et puis une représentation de l'état du corps. Plusieurs secondes avant la décision. 125 millisecondes, 1250 millisecondes avant l'action, on voit apparaître dans les zones motrices un potentiel de préparation, c'est-à-dire que les processus de lancement de l'action sont déjà commencés. À ce moment-là, donc, on a des mobilisations de programmes sensorimoteurs. Ces programmes sensorimoteurs qui vont se latéraliser parce que si j'agis à droite, il faut que les zones motrices s'activent à gauche. Et si j'agis à gauche, il faut que les zones motrices s'activent à droite. Donc il y a une latéralisation. Donc à ce stade-là, on sait de quel côté la personne va agir, si elle va répondre à droite ou à gauche. Or, tout ça, c'est totalement inconscient. Simplement, ça suscite chez l'individu un sentiment, un besoin d'agir, qui amène à la décision consciente. Et l'action, il faut environ 250 millisecondes pour avoir la contraction musculaire. Et donc, un des résultats majeurs des recherches, de ce champ de recherche, c'est que la décision n'est pas la cause de l'action. La décision accompagne l'action. Le sentiment de prendre la décision accompagne l'action, mais la décision n'est pas la cause de l'action. Ça va un peu compliquer les discussions sur le travail. Enfin, c'est là que je vais venir, quand même. Et donc, on a un sujet qui est porté par son activité, qui n'est pas un pilote comme ça, réfléchissant et pilotant son activité comme un bateau. Le sujet est déployé par son activité. Donc on a un certain nombre de sollicitations qui déclenchent la mobilisation. Alors je pourrais montrer une quantité énorme de résultats, mais ces sollicitations, elles ne sont que très partiellement conscientes. Le cerveau, c'est un intégrateur absolument colossal, beaucoup plus qui prend beaucoup plus largement et sur le moment et dans le temps que simplement ce qu'on est capable de penser. On sait, alors il y a des travaux assez jolis, hein, mais on sait que les gens, enfin il y a des expérimentations qui montrent que les gens sont comme ça parfaitement capables de déployer les stratégies gagnantes, les stratégies pertinentes dans la situation, dans des situations où ils n'ont pas compris quelle était la stratégie gagnante. Donc l'activité, l'intelligence du corps est en avance sur la compréhension, enfin sur l'analyse réflexive. Et donc, en gros, l'action, elle se joue dans la rencontre entre une situation qui me sollicite via les mémoires émotionnelles, etc., et qui mobilise les dispositions à l'action que j'ai incorporées au cours de mon parcours. Ça lance le processus de réponse et ça produit le sentiment de prendre la décision. Alors, Mais ça va être un petit peu plus, ça va être un peu plus compliqué de discuter. D'autant que il y a plein de facteurs d'obscurité. Hein. Je parle de l'obscurité du travail pour le sujet lui-même. Hein. Alors vous avez un premier facteur d'obscurité qui est archi classique, très connu, hein, c'est que les répertoires moteurs qui sont mobilisés, qui sont stabilisés, qui font nos habiletés, enfin nos capacités à répondre, nos dispositions à l'action, enfin, c'est stocké dans des zones très, très, très basses dans le cerveau, le striatum, des trucs, ça échappe totalement à la conscience. Hein. Alors, le truc que tout le monde connaît, Vygotsky disait ça, si vous voulez mettre en scène ça, vous prenez n'importe qui là, vous savez tous lacer vos chaussures, faites venir un étudiant, vous lui dites, bon, t'as un lacet dans la main droite, un lacet dans la main gauche, explique comment tu fais ton nœud de chaussure. Vous êtes capable de faire votre nœud de chaussure les yeux fermés, dans le noir, vous êtes infoutu de dire comment vous faites votre nœud de chaussure. Il va falloir vraiment simuler, vous le représenter pour arriver à dire, je passe comme ci, comme ça. Et puis, après j'arrêterai sur ces éléments-là, mais un point qui va être un obstacle quand même extrêmement important quand on est sur les questions de l'action, sur le travail, c'est que le cerveau, c'est une machine à focaliser l'attention sur ce qui résiste, sur ce qui ne marche pas. En revanche, le cerveau efface tout ce qui se passe comme prévu. Le cerveau, c'est une machine à anticiper, hein, qui projette une vision, enfin qui anticipe l'état du monde, et il ne traite que ce qui diffère de ce qu'il a projeté et de ce qui vient. C'est ce qu'on appelle une régulation en feed-forward, c'est une dérégulation beaucoup plus performance qu'en feedback. Je ne détaille pas, il faudrait expliquer, mais en gros, voilà, le cerveau est focalisé sur ce qui résiste ou sur ce qui plante, ça fait que tout ce que vous développez, qui témoigne d'un rapport harmonieux aux situations, tout ce qui manifeste, tout ce qui exprime l'énorme patrimoine d'expérience que vous utilisez et qui colle avec les situations, ça ne fait pas l'objet d'un traitement. C'est, les informations ne sont pas traitées, c'est pas refoulé, je ne sais pas quoi, le cerveau ne traite pas les informations. Et donc, en gros, les êtres humains, ils sont beaucoup plus conscients de ce qui foire que de ce qui réussit. Vous, d'ailleurs, ceux qui foirent vous sollicitent quand même, personne ne se réveille la nuit pour s'interroger sur comment ça se fait que ça marchait si bien et que j'ai si bien réussi. Donc ça, c'est un facteur d'obscurité. Et donc, si on est à ce niveau-là, on va voir, c'est pas très différent. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui distingue de l'activité animale. Hein. Ce qui distingue, c'est l'ampleur du patrimoine qui est mobilisé. La complexité du patrimoine incorporé, mais dans l'action, c'est les mêmes mécanismes. Les animaux sont capables d'avoir des réponses pertinentes aux situations. Les animaux sont enfin, il y a un certain nombre d'animaux qui ont y compris conscience d'eux-mêmes, mais à ce niveau-là, on est à peu près, le fonctionnement, c'est à peu près le même, et il y a des choses qu'on va pouvoir décrire sur l'animal qui marchent de la même façon. Donc ce n'est pas le sujet libre, maître de lui-même, qui s'exprime dans l'action, c'est les dispositions à l'action incorporées au cours de son parcours, et un sujet peu conscient des ressorts de sa propre activité. Au bout du compte, c'est ce qui s'exprime, c'est les conditionnements et l'intelligence du corps. Et donc, à ce niveau-là, zéro sur l'autonomie telle que on la pose comme un facteur important en termes de santé. Et donc, quelle place pour l'autonomie ? Alors la place pour l'autonomie, elle se joue strictement dans le retour réflexif. Voilà. Le retour réflexif, c'est la place de la subjectivité. La subjectivité est fondamentalement liée à ce retour réflexif, avec un phénomène quand même qui est tout à fait impressionnant. C'est, on va dire, en biologie, par exemple, le sentiment d'être à l'origine de nos actes est une illusion. C'est une illusion que produit le cerveau. Mais c'est une illusion qui procure un avantage comparatif, considérable, parce qu'elle incite à un retour réflexif sur sa propre activité. Et là, on rentre dans un autre univers, c'est-à-dire un univers qui est l'univers du langage, il y a un jeu qui apparaît, qui n'est pas à l'origine de l'action, mais qui va en assumer la responsabilité. Donc, l'illusion, c'est un truc, Kant a dit des choses dans ce registre-là, enfin, l'illusion d'être à l'origine de ses actes produit potentiellement de la liberté. Mais c'est strictement lié, c'est pas, ça ne se joue pas dans l'activité, ça se joue dans le retour réflexif sur l'activité. Et donc, oui, qu'est-ce que j'ai fait ? Le moment, par exemple, la pointe la plus extrême de la subjectivité, où se manifeste la subjectivité, c'est quand je me retourne sur mon action et que je ne me reconnais pas dedans. Comment c'est possible que j'ai dit une connerie pareille ? Ou que j'ai fait une bêtise aussi grosse ? Enfin, voyez, c'est là que se pose, donc, se manifeste la subjectivité et la responsabilité. Au regard de ce que je suis en train de raconter, par exemple, c'est extrêmement contestable de mettre en cause la responsabilité d'un salarié sur quelque chose, alors même qu'on pourrait montrer qu'il est dans une situation qui ne lui permet pas d'avoir un retour réflexif sur son activité. C'est là qu'on sort de la biologie et qu'on va rentrer dans un univers vraiment absolument spécifiquement humain. C'est là que va se poser la question de la prise de conscience des enjeux, de la question du sens, et ça passe par le langage, c'est-à-dire par un véhicule qui permet de faire circuler l'expérience, etc. Véhicule qui est par définition impersonnel, alors que l'expérience est absolument singulière, et donc qui impose une distance, qui impose d'envisager sa propre activité du point de vue d'autrui. Et cette confrontation à autrui et à l'expérience d'autrui, eh bien, permet enrichissement, critique, développement, etc. C'est à ce niveau que les choses vont se jouer. À ce moment-là, chaque style d'activité est singulier, les situations qu'on rencontre sont toujours singulières, et le patrimoine qu'on mobilise pour répondre est absolument singulier. Si on reste à ce niveau-là, je suis perdu dans ma singularité, j'ai une extrême difficulté à mettre des mots dessus. C'est dans la confrontation avec l'activité d'autrui que je peux prendre conscience des spécificités de mon activité. C'est quand je vois, par exemple, qu'on fait à peu près le même boulot, on arrive au même résultat, mais les collègues, ils font pas, le collègue ne fait pas exactement comme moi. À ce moment-là, je peux commencer à prendre conscience de comment je fais, quels sont les intérêts, les valeurs que je privilégie, quelles sont les finalités que je rajoute à l'activité, qui ne sont pas exactement les mêmes que les siennes. Et là, on a des processus d'enrichissement et de développement. Et à ce moment-là, le sujet se fait le producteur de nouvelles normes qui coloreront son activité. Mais l'activité, ça sera toujours quelque chose qui se déploie sans que ça soit... Enfin, l'activité, elle hérite de ce qui est élaboré et de ce qui est intériorisé avant, mais c'est pas la réflexion qui pilote l'activité. Et quand on développe ce genre de processus, collectivement, les salariés vont découvrir et développer leur capacité, la capacité d'affirmation, finalement, que leur confère leur expérience de l'activité, de leur expérience du travail. Et donc, c'est vraiment ancré dans les fonctionnements, cette question. Ce n'est pas pour faire joli la question de la démocratie. Hein. C'est une exigence de santé absolument de base. C'est-à-dire, le salarié qui est dans la position de ne pas pouvoir revenir et développer son activité dans le contact avec il est dans la même position que le rat qui n'a pas de possibilité d'action. Hein. Le développement du pouvoir d'agir chez les êtres humains, passe par cette mise en discussion. Et donc, l'autonomie, ou le pouvoir d'agir, ce qui, chez nous, est synonyme de santé, ça ne peut pas concerner l'individu isolé. Ce qui pose le problème, par rapport à ce que tu as dit, tu sais, sur la labilité des risques psychosociaux, c'est vrai, sauf pour certaines catégories, par exemple, les gens qui font du travail répétitif sous cadence, qui sont enfermés sur un poste de travail, qui sont dans une position, alors que simplement ceux-là ne se plaignent pas. C'est la grosse différence avec les cadres qui sont pris dans des conflits. Mais voilà, l'isolement, c'est un problème, et l'autonomie ne peut pas concerner l'individu isolé, elle implique toujours une dynamique collective. J'ai mis deux, trois pour comme ça, pour rigoler. Oui, c'est du Simone Weil, ça. C'est la liberté véritable se définit pas par un rapport entre le désir et la satisfaction. C'est tant qu'on reste dans l'envie, le besoin d'agir et la satisfaction, on est agi. L'autonomie, elle se joue dans le rapport entre la pensée et l'action. Voilà. Ou Spinoza, enfin, puisque quand même, c'est une référence majeure derrière, hein. Le bien, c'est ce qui nous rend actifs. Hein. Chez Spinoza, on a à la base des idées adéquates. Si on arrive à produire des idées vraies, on augmente le pouvoir d'agir, ça se manifeste par la joie. À l'inverse, les idées adéquates se traduisent par une réduction du pouvoir d'agir et les passions tristes. On est sur un modèle qui colle vraiment de façon impressionnante à ce qu'on dirait sur les pathologies du stress. Alors, oui, pourquoi c'est crucial de pouvoir développer ? C'est parce que les gens développer une pensée sur le travail, c'est parce que les gens ne sont pas simplement dans un monde animal, ils sont dans un monde qui est travaillé par des rapports sociaux, qu'il va y avoir des conflits, et que pouvoir penser sa position, c'est absolument indispensable dans une situation qui est potentiellement conflictuelle. Ne pas pouvoir penser sa situation quand on se retrouve dans des conflits, ça va conduire à des choses assez épouvantables. Et donc, ça je ne vais pas développer, Thomas l'a évoqué, hein, le rapport salarial, il est tendu entre deux exigences. Du côté de l'activité, travailler correctement, ça implique toujours à tout niveau hiérarchique de prendre en considération un certain nombre de caractéristiques des situations que la direction n'est pas en mesure de percevoir. Donc, prendre en considération ne veut pas dire de les avoir pensés consciemment, hein, mais de prendre en considération dans l'action. Ce qu'on va montrer en ergonomie, les gens font beaucoup plus que ce qu'ils pensent faire. Donc, prendre en considération tout ça, d'affronter une quantité de dilemmes éthiques qui sont à régler par les consignes, de mobiliser ses compétences, sa sensibilité, ses valeurs, et d'affirmer sa responsabilité sur un fragment du monde. Travailler correctement, c'est toujours ça. Travailler correctement, c'est toujours essayer de produire des réponses les plus particulières possibles en face des particularités de la situation. Là, il y a une dynamique de développement de l'activité du côté de la capacité à répondre vraiment aux situations. Hein? Le novice, il essaye de faire ce qu'on lui a dit, c'est carré, la réalité est patatoïde et il essaye de faire rentrer. L'expert, c'est celui qui arrive à répondre à justement ce qu'il y a de particulier dans les situations. Le problème, c'est qu'en face, vous avez les critères de gestion, avec l'évaluation économique, la question de la pression des contraintes financières, et plutôt un mouvement qui valorise l'accélération et la standardisation. D'un côté, la dynamique de l'activité, c'est répondre le plus spécifiquement possible aux situations. De l'autre côté, pression à l'accélération et la standardisation, donc avec les formules, du Total Quality Management, l'excellence est juste nécessaire. Il y a la qualité, enfin, ce que nous racontent les managers dans le travail, il y a la qualité pour le métier, et puis la qualité pour le management, c'est la qualité pour le marché, dans le temps du marché, et donc le conflit entre les deux. Évidemment, si on veut aborder ce conflit, on a intérêt à pouvoir se ressaisir de la logique de sa propre activité, pouvoir revenir et pouvoir argumenter. Et il y a un certain nombre de choses qui s'y opposent. Alors, vous avez les effets de l'intensification, c'est simple, je vais passer. Hein. À l'heure actuelle, partout, vous allez n'importe où, n'importe quel niveau hiérarchique, vous dites aux gens, travailler c'est trier. Trier dans la masse des choses qu'il y a à faire, entre ce qu'on va pouvoir faire et puis ce qu'il va falloir laisser pour demain. Travailler dans la masse des critères d'évaluation du travail, ceux que je vais pouvoir soutenir et puis ceux sur lesquels je vais laisser tomber, à peu près partout, les gens, ils vous illustrent, comme vous allez voir, les juges au tribunal, ils vont vous expliquer comment ils peuvent pas, enfin, ils sont obligés de trier, etc. Le type derrière sa machine, enfin, etc. Enfin, à tous les niveaux. Donc, il faut trier. Ça veut dire, il faut, en gros, sous la pression, on va être amené à se focaliser sur les objectifs que l'on juge prioritaire et qu'on va essayer de défendre malgré tout. Voilà. Le problème auquel on est confronté tout à fait concrètement, c'est que dans le temps où cette pression montait, la pression à trier dans ce qu'il y a à faire s'aggravait, on a vu plutôt se réduire les espaces de discussion. avec bon, l'urgence, mais pas seulement, avec la multiplication des statuts, avec les éléments de flexibilisation qui ont été évoqués tout à l'heure, avec des choses bêtes comme l'individualisation des horaires. Vous avez des sites de Renault, par exemple, où on a fermé les restaurants avec au moment des processus d'individualisation des horaires, où les gens ne prennent plus leur pause en même temps. Enfin, les espaces de discussion se sont plutôt réduits, et là, on a un processus, on est confronté à un processus, il faudrait que je raconte, parce qu'il y a vraiment des choses effarantes, mais d'individualisation du rapport au travail, qui est pas... On ne veut pas simplement renvoyer à un effet d'individualisme, mais qui est... Qui traduit le fait que l'organisation du travail impose aux salariés de réaliser des arbitrages compliqués sans, la plupart du temps, bénéficier des possibilités de l'expérience d'autrui, des possibilités de discussion, etc. Ça se voit, on intervient dans des endroits où il y a beaucoup diminué la transmission des savoir-faire, etc., entre les jeunes et les vieux. Et ça se traduit par une multiplicité conflictuelle des modes d'arbitrage. C'est-à-dire, au bout du compte, chacun arbitre avec son histoire personnelle, et même en n'étant pas absolument, sauf s'il a la possibilité d'en discuter, pas spontanément très capable d'expliquer ses propres arbitrages. Et donc, on est confronté à un déficit très considérable d'élaboration de l'expérience. Alors, il a des conséquences. Une des conséquences vraiment auxquelles on est confronté extrêmement souvent, c'est au moment où le salarié va se trouver pris dans un conflit. Bon. Par exemple, le chef vient et l'interpelle sur ses résultats. Le chef, il ne veut pas nécessairement le massacrer, lui faire la peau. Enfin, il dit ça ne va pas. Pour qu'il sorte quelque chose de positif de cette discussion, il faudrait que le salarié, en face des normes managériales, puisse affirmer les propres normes de son activité. Or, à défaut d'espace d'élaboration, ces normes, il n'est pas capable de les expliquer. C'est un élément fondateur de la clinique du travail, c'est les gens n'ont pas le discours de leur activité. L'activité est beaucoup plus large que la conscience, et la conscience est beaucoup plus large que ce que les gens sont capables de mettre en mots. Et donc, les gens n'ont pas le discours qui leur permettrait de défendre leur activité, ce que leur permettrait d'émettre s'il y avait discussion avec les collègues sur les critères de la qualité, lesquels on défend, etc. Sachant que ce n'est pas les mêmes de l'un à l'autre. Ça demande toute une élaboration. Et donc, quand les gens n'ont pas le discours comme ça qui leur permet d'apprendre, eh bien, ils s'emparent des discours pré-encodés qui circulent dans le milieu. Et donc, il y a toujours des discours, un pré-encodé discursif qui circule dans le milieu, qui est censé permettre de soutenir le conflit avec la hiérarchie. Alors, par exemple, harcèlement moral. Mais dans les années 80, je me souviens, dans la période de grande informatisation, pour les gens, pour dire qu'ils avaient un problème, ils disaient les écrans. Ce qu'a évoqué Thomas, il y a une périodisation des modes d'expression. On a dit défaut de reconnaissance, etc. En gros, ça a un énorme inconvénient, c'est que derrière, ce sont toujours des conflits de normes, entre les normes managériales et puis les normes personnelles qui portent mon action, et qu'au lieu de traiter des conflits de normes, on va transformer ça en conflits interpersonnels, et donc le harcèlement et tout ça, enfin la grande déferlante qu'on a connue, en gros la victimologie. L'énorme développement de la victimologie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des discussions, hein. Mais les discussions, la plupart du temps, elles portent sur ce qui est à l'évidence commun. Il y a des choses qui sont communes, où on peut fabriquer du discours commun sans avoir à revenir sur une réflexion sur l'activité. C'est les attaques subies par le groupe en termes de statut, de moyens, d'effectifs. Ça va. On va, d'autant qu'en plus le syndicat aide à fabriquer un discours commun. Ou bien des choses assez techniques. On a fait mener une recherche à l'inspection du travail. On ne fait pas plus social que l'inspection du travail. Hein. Ils sont hyper armés en principe pour affronter les questions du travail. Ben, quand on va regarder, on ne fait pas plus privatisé comme activité. C'est-à-dire, les gens développent une activité où ils mobilisent ce qu'ils sont. Et un inspecteur du travail ignore totalement comment le gars d'à côté fait. Enfin, quand on fait travailler en groupe, discuter, etc., puis on fait de l'analyse de l'activité, c'est hallucinant les distances entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Enfin, ce qu'ils font est beaucoup plus riche. Ce qu'ils disent est très convenu et répétitif. Ce qu'ils font est beaucoup plus riche que ce qu'ils disent. C'est un peu trompeur parce qu'ils disent oui, on discute du travail. Mais quand ils discutent du travail, il se passe des trucs techniques. C'est comment tu fais un contrôle d'engin de levage ou des choses comme ça. Mais ce qui est le dur du métier, c'est-à-dire comment je me colle, comment je construis une stratégie dans telle entreprise pour, etc., ce qui est le truc vraiment très compliqué, ça, c'est chacun avec sa subjectivité et c'est absolument pas discuté. C'est extrêmement impressionnant. Et donc, voilà, les discours, c'est des discours qui restent à un niveau très, très, très global, avec une situation qui est quand même compliquée, c'est que dans ces cas-là, les syndicats sont cantonnés dans une position de réceptacle du négatif. Hein. Les syndicats, ils récupèrent tout ça, et les dimensions affirmatives, ce que les gens s'efforcent de préserver ou de déployer dans leur activité, les dimensions affirmatives de l'activité sont portées par chacun comme s'il s'agissait d'une affaire privée. Et ça, c'est un fonctionnement social extrêmement coûteux. L'expérience ne circule plus. Je pourrais le raconter en prenant des exemples d'entreprises vraiment précisément. Hein. Et donc, l'activité qui explore en permanence, en face des situations qui sont toujours singulières, qui explore en permanence des potentiels de développement de l'activité, hein, qui teste en permanence des possibilités de réponse, ça n'est pas exploité, ça n'est pas mis en discussion, et donc ça reste en jacère, et c'est très problématique pour les agents, parce que dans ces situations-là, il y en a qui s'en débrouillent très bien, il y en a qui s'en débrouillent à moitié, puis il y en a qui s'en débrouillent pas du tout, mais il y a des gens qui coulent, et ça ne circule pas, et puis il y a une déperdition en termes de vitalité, de créativité au niveau de l'entreprise. Il faut y rajouter un dernier truc biologique, mais parce que ça existe la biologie derrière, c'est que les gens se trouvent donc assez facilement dans des conflits sans issue, parce qu'à partir du moment où ces conflits de normes sont transformés en conflits interpersonnels, on pourrait raconter comment les entreprises essayent de s'en débrouiller, mais enfin, ça va assez mal, et souvent ça dure assez longtemps, et à ce moment-là, on est dans une situation de stress chronique, au sens mais vraiment biologique de la question. En situation de stress chronique, on a une sécrétion de cortisol, et puis déclenchement, je n'ai pas mis des processus inflammatoires, et ça va entraîner des lésions d'hippocampe. J'aurais pu amener des photos d'imagerie pour montrer comment des gens en situation de stress chronique, ils ont, à l'imagerie, ils ont une réduction de cette... L'hippocampe, ce n'est pas un animal marin, c'est une structure du lobe temporal, du cerveau, qui se réduit sous l'effet du stress chronique. Et l'inconvénient, alors ça a plusieurs inconvénients, mais un qui est important ici pour ce qu'on veut dire, c'est que l'hippocampe, c'est une structure fondamentale pour une mémoire, c'est-à-dire qu'il y a plein de mémoires différentes dans le cerveau, mais une mémoire particulière qu'on appelle la mémoire épisodique ou mémoire biographique, c'est la mémoire des événements vécus en temps et en lieu. Hein? Il y a une autre mémoire qui est la mémoire sémantique, c'est Napoléon, machin, etc. C'est un truc qu'on vous a raconté. Et puis la mémoire épisodique, c'est je suis arrivé par le train, j'ai pris le métro, etc. Enfin, voilà. Et plus les gens sont engagés dans des conflits, plus ils ont des perturbations de la mémoire épisodique. Donc, plus ils ont de difficultés de revenir sur qu'est-ce qui est à l'origine du conflit. Enfin, pour en sortir de ces conflits, il faudrait revenir sur de quoi il était question, les conflits de normes, il faudrait revenir sur la réalité, il faudrait revenir sur les événements localisables en temps et en lieu à partir desquels se construit l'affrontement, et plus les gens sont engagés là-dedans, plus ça leur est difficile. Il y a sûrement des gens qui ont eu à prendre en charge des salariés dans ces situations-là, tournent comme les mouches dans un bocal sur des discours immensément répétitifs, extrêmement généraux. Voilà. Toujours le chef, il fait rien qu'à eux, on dit comme ça. On va vouloir m'assassiner, etc. Enfin, des trucs qui sont complètement décollés des enjeux concrets. Et ça, c'est bien observé. Hein. Il y a une tendance à la surgénéralisation. Et donc, des schémas cognitifs qui sont considérés comme dysfonctionnelle et dépressogène. Voilà. C'est-à-dire plus vous entrez dans cette situation-là, plus vous perdez la main sur la, enfin moins vous pouvez retenir sur les situations et plus vous avez des chances de mal finir. Alors tout ça a des conséquences tout à fait importantes en matière d'aborder la question de l'action. Bon, sur la prise en charge individuelle, alors lutter contre la surgénéralisation et tous les trucs, toutes les explications préfabriquées du style le chef est un enfoiré, c'est connu, la direction, etc. Tout ce que portent les cliniciens assez naïvement, c'est le chef est méchant, le salarié est gentil. Il faut lutter contre la surgénéralisation et aider les gens à revenir sur une réflexion sur les dilemmes, les contradictions, les enjeux de leur activité et les aider à porter, à élaborer, à porter le discours de leur activité une fois qu'on a compris que ce discours, il ne précède pas l'action. Voilà. Que ce discours, il doit être produit. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans des situations toujours singulières, etc. Ça, il faut le produire. Si les gens n'ont pas la possibilité, et donc on est obligé en clinique médicale de faire ça. Donc aider l'individu à analyser les enjeux des conflits, à mettre des mots sur ce qui s'effort. Et pas simplement sur le mode victimologique. Parce que les gens, ils ne sont jamais victimes indépendamment du fait qu'ils s'efforcent de préserver ou de promouvoir des intérêts ou des valeurs que l'organisation du travail écrase, d'un certain point de vue. Des conflits, on n'écrase pas nécessairement consciemment. Il y a des conflits de valeurs, comme ça, il y a des intérêts, il y a des enjeux qui sont portés par la direction, par la hiérarchie, il y en a d'autres qui sont portés à partir des éléments, du rapport sensible aux situations, et voilà, il faut penser ça, il faut penser ce que les gens s'efforcent de développer. C'est-à-dire, essayer de mettre l'accent sur les dimensions affirmatives du travail. Voilà. Un salarié, il n'est jamais attaqué indépendamment du fait qu'il manifeste un point de vue distinct du point de vue de la hiérarchie. Ou dit autrement, le chef, il n'attaque jamais le salarié qui colle exactement à ce qu'il dit, quoi. Exceptionnellement. Et donc, oui, aider à renouer avec les dimensions positives et affirmatives de son activité. Et pour cela, il n'y a pas de doute, il faut se tenir au plus près du travail et des événements qui ont émaillé la dégradation de la situation. Le désaccord avec le chef, il s'est construit sur des événements précis, localisables en temps et en lieu. C'est tout à fait le contraire d'aller chercher les explications préfabriquées. Et donc, à ce moment-là, on va trouver deux conflits de normes. On passe de conflits interpersonnels à des conflits de normes qui ne sont peut-être pas vécus de la même façon par tout le monde, mais que d'une façon ou d'une autre, tout le monde affronte. Alors, certains s'en débrouillent bien, certains s'en débrouillent pas bien, mais là, on peut reconstruire des dimensions collectives. Alors, il y a les interventions au niveau collectif. Alors, au niveau collectif, qu'est-ce qu'on a? On a le discours de la direction, et puis les discours des syndicats, et les discours qui circulent au sein du personnel. En général, les interventions, je vois par exemple les cabinets de consultants, là il y a un débat entre la direction et les syndicats. Les syndicats ont par exemple obtenu une expertise, donc on va faire des recherches au niveau du personnel, on va faire des entretiens, des observations, etc. Et avec l'idée de faire remonter tout ça pour nourrir le discours avec entre la direction et les syndicats. Le travail qu'on a développé avec un certain nombre de syndicats est à un autre niveau. Il porte sur le fait qu'il y a les discours qui circulent au sein du personnel, mais il y a les questions vives qui sont affrontées par le personnel au cœur de leur activité, et ça rend extrêmement mal compte de ça. Et donc l'idée, c'est pas simplement, il suffit pas de faire remonter les discours, d'autant que les discours, enfin, bien souvent l'expertise, ça consiste à redire d'une façon savante des choses que tout le monde disait, qui circulaient, mais qu'est-ce qu'il fait l'expert, hein, la plupart du temps, il fait des entretiens, sur la base de ces entretiens, il y a tel bazar dans les entreprises qu'avec pas beaucoup d'entretiens, on récupère assez vite une tapée de choses qui ne vont pas. Et puis, il ne se contente pas d'aller dire à la direction, de répéter simplement avec son autorité d'expert. Il va faire un peu d'analyse du travail et montrer que ce que disent les salariés, évidemment, que c'est juste, et donc il vient et il renforce la position du personnel dans le discours. Mais en gros, on tourne sur des discours qui sont déjà présents dans l'entreprise. Voilà. Si on veut vraiment avancer, en gros, changer de cadre, il faut, autant qu'il est possible, aller sur les questions vives auxquelles s'affrontent les salariés dans leur activité. Et donc, on va développer, c'est ce qu'on développe dans les recherches-actions avec les organisations syndicales, on va développer l'enquête syndicale pour essayer de faire le lien, enfin de mettre en discussion les questions du travail et de nourrir, de développer le discours collectif au sein du personnel. Et à ce moment-là, rediscuter les questions avec les salariés, ça amène à, c'est pas simplement produire des choses sur le travail, ça retricote du tissu social. Enfin, le fait que les gens aient la possibilité de discuter entre eux, et ça fabrique de la force. Et à ce moment-là, on revient avec des argumentaires qui sont extrêmement différents. Enfin, bien souvent, les salariés sur cette base-là vont pouvoir, ou les militants syndicaux vont pouvoir remonter dans la discussion avec les directions assez sérieusement armées. Parce que les directions, aujourd'hui, elles disent oui, il y a plein de problèmes, etc. On est d'accord avec vous, mais regardez-nous dans l'état dans lequel on est. Enfin, c'est à peu près ça l'ambiance. Hein. Enfin, les risques psychosociaux, ça concerne aussi les directions, etc. Mais c'est inéluctable. Au nom de logique économique imparable. Quand on fait ce travail-là avec les salariés, ce qui va apparaître assez vite, c'est que ces décisions qui sont incontestables du point de vue économique sont extrêmement contre-productives dans un certain nombre de cas. Et donc, dans les recherches-actions quand même, on va se retrouver à un moment où les salariés, collectivement, sont en position de se poser comme ceux qui portent la question de la qualité, la question de l'efficacité de la production, etc., contre des mesures prises par les directions. Ça, il faudrait ouvrir la boîte, mais la fréquence avec laquelle on peut montrer que les salariés arrivent à sortir de la production malgré des décisions prises par les directions, c'est une généralité. Même à chaque fois, on est surpris de c'est plus que ce qu'on croyait. Donc, enfin, il faudrait développer, mais Bernard, qui travaille dans cette direction, une vieille complicité depuis longtemps, on développera ça cet après-midi, mais donc il y a tout un pan. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pris un grand temps pour situer une distance qui est structurelle en clinique du travail. Il y a l'activité, et puis il y a le niveau de la subjectivité et de l'élaboration et du discours. Voilà. Il y a une distance structurelle entre l'activité et le discours sur le travail. Et tout le problème, c'est d'arriver à nourrir, enfin, à travailler cette tension entre les deux. Alors, les approches statistiques dans tout ça. Alors, moi, il n'y a pas photo. Moi, je soutiens absolument les approches de la statistique publique. Enfin, ce que fait la DARES, le fait que enfin, moi, je suis très, très consommateur de ces affaires. On a besoin de ces indicateurs qui nous donnent des points comme ça de repère sur les évolutions macroscopiques, y compris ça permet de s'assurer que dans le microscopique, on n'est pas, puisqu'on travaille dans ces cadres-là, on n'est pas, ce qu'on dit, c'est pas n'importe quoi quand même. Mais ce qui posait problème, moi je me souviens dans les discussions avec Golag, c'est que la statistique publique a une efficacité au niveau global en tant qu'elle nourrit le débat social et la critique sociale, etc., donc a une très grande importance en termes d'action, l'idée c'est que quand même il y a différents niveaux d'action qui passent par aux différents niveaux d'action, on ne peut pas utiliser les mêmes dispositifs, et ces mêmes outils qui sont très, très intéressants au niveau de la statistique publique, au niveau de l'entreprise, posent d'énormes problèmes. Alors, aujourd'hui, à peu près partout, vous avez, à la suite des accords, stress, etc., les psychosociaux, vous avez des dispositifs statistiques et on fait systématiquement. Donc on vous fait systématiquement Karasek, Sigrist. Plus tout un tas d'autres choses. En gros, la base, c'est Karasek et Sigrist. Donc, en gros, ce sont les outils de l'épidémiologie. L'épidémiologie, elle fait quoi, hein? c'est quand même un truc assez spécial. C'est l'épidémiologie, il faut qu'elle montre des relations entre des caractéristiques de l'organisation et des effets sur la santé. Il faut qu'elle démontre des relations qui soient valables de façon universelle. Et pas publier en disant à tel endroit, il y a ci et ça. Il faut que potentiellement, ce qu'on va montrer, ça fonctionne sur les gardiens de prison en Alabama, sur les mineurs de charbon, les mineurs de diamants en Afrique du Sud, ou sur les infirmières à Taïwan, ou les postiers dans la banlieue. Voilà. C'est ça les exigences de publication, en gros. Il y a un problème de décontextualisation et d'uniformisation. Donc, qu'est-ce que vont faire les épidémiologistes? Ils vont monter dans la généralité et ils vont extraire des dimensions qui sont valables partout. Partout. C'est une exigence. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les grandes dimensions de la critique sociale, c'est-à-dire Karasek-Théorel, c'est l'aliénation, et Sigrist, c'est un modèle du vécu d'exploitation. Donc vous avez les grandes dimensions de la critique sociale, aliénation, exploitation. Mais on est absolument garanti quand on fait ça que ça ne dira rien sur les difficultés des gardiens de prison, hein, ni des infirmières, ni des... Enfin, voilà. Et à partir de là, ouais, donc en gros, c'est du Marx, hein, un peu de manuscrit 1844, un peu de Capital, quoi. Enfin, aliénation, exploitation. Voilà. À partir de là, les représentants du personnel sont très contents. On voit assez bien, parce que y a quelque chose qui résonne dans leur code génétique, dans l'utilisation de ces trucs. On voit bien, hein, ouais. Mais le paradoxe, c'est que les directions sont aussi très contentes aussi. Parce que les directions, elles répondent exactement à ce qu'il faut. Elles répondent, mais ce que vous nous racontez, c'est l'état du monde. C'est l'état du monde. Voilà. Et comment elles font? Elles font du benchmarking. Je dis, voilà, on a, évidemment, on a des chiffres comme ci, comme ça. Mais regardez à côté, c'est à peu près les mêmes chiffres que vous êtes en train de nous raconter, c'est l'état du monde. Et donc, en gros, ces dispositifs statistiques, ils hausseraient le débat au niveau de la critique sociale. Or, dans l'entreprise, les syndicats sont totalement hors de toute possibilité de tenir le débat à ce niveau. Enfin, ça, voilà. Et ça les prive des ressources que leur donnerait l'analyse très concrète. Le fait que ce n'est pas l'aliénation comme ça, l'exploitation, c'est que ça prend des formes. Et que la mondialisation, que tout ce que disait Thomas là, sur les phénomènes très, très macroscopiques, c'est présent de façon vive dans le microscopique de l'activité. Et que là, il y a la possibilité. Oui, ce qu'on construit quand on travaille sur le processus, celui d'avant, là, le collectif, c'est pas seulement de l'information plus précise, c'est de la force sociale pour porter cette information. C'est-à-dire du tissu social, enfin, des gens. Enfin, des positions où le syndicat ne se situe pas comme substitut à l'élaboration et à l'action des salariés, mais porte l'action des salariés. Oui, d'autant que la démarche écoute de la ressource que constituent les efforts déployés par le personnel pour que, malgré tout ça, la production et l'ensemble gardent à peu près forme humaine. Voilà. Alors, je vous donne un exemple et je vais terminer. Oui, non, c'est pas là. Oui, en gros, donc, Ça correspond bien à une demande classique des RH. Hein. Les RH, chaque fois, enfin, la fréquence avec laquelle, quand vous leur envoyez un stagiaire, par exemple, en psycho du travail, ils demandent qu'on leur fasse un tableau de bord, enfin, un baromètre social, un tableau de bord. Enfin, ils sont extrêmement demandeurs, les RH, d'avoir des trucs qui permettent, dans les directions, de parler, de montrer des chiffres, etc. Donc, voilà, ça contribue aux besoins. Enfin, voilà, c'est traité, c'est un peu comme voilà, vous pilotez un avion, vous avez besoin d'indicateurs d'huile, enfin de pression d'huile, etc. Bah, vous avez besoin de savoir comment vous situez en termes de Karasek, Sigrist par rapport aux autres. Donc ça sert bien avec pour les RH, mais sérieusement, c'est extrêmement loin de la réalité et ça emmène les représentants du personnel sur un terrain qui est vraiment très éloigné de les réalités du travail. Et puis voilà, c'est ce que je disais, ça donne une vision rassurante. Alors, ça donne une vision d'autant plus rassurante que dans un certain nombre de cas, quand on fait venir des chercheurs je connais moins bien les négociations avec les consultants, mais quand on fait venir des chercheurs pour faire une étude, hein, le strike par exemple, vous dites il y a des problèmes dans le au CHSCT, on dit il y a des problèmes dans le service commercial, le CHSCT se bat pour qu'on fasse une recherche, il vient une équipe de chercheurs. Le chercheur, il a intérêt à faire le maximum, à voir les populations les plus larges possibles, parce qu'il n'y a pas photo hein, pour les chercheurs. Une enquête épidémiologique dans une entreprise, c'est des données et de l'argent. Beaucoup d'argent. Voilà. Mais pour la direction, alors ils n'en sont peut-être pas conscients, mais il y a tout intérêt aussi à faire large, à mettre un maximum de trucs. Et on n'est pas à l'abri que les représentants du personnel insistent aussi pour que beaucoup de gens soient pris dans l'étude. Et donc, plus vous mettrez de gens, plus vous serez proche des niveaux... Des niveaux généraux, plus vous pourrez dire, ben voilà, on écrit un état du monde, etc. Oui, mais voilà, on est tous sous la contrainte et tout ça. Et puis, oui, il y a toujours une frange de salariés pour qui on... Enfin, oui, ça sert aussi à essayer de repérer les salariés fragiles, etc. Enfin, c'est quand même beaucoup utilisé comme ça. Un exemple chez Renault, c'est dans une dépêche interne de Renault, ils font venir Stimulus, donc le même que le rapport Légeron, là. Et bah, donc, il dit le machin de stress et tout ça. Et alors, voilà, ils font. Ils mettent le siège, un magasin de pièces détachées, deux sites de montage. Tac, on met tout ça, on remue. Et je vous ai donné juste un extrait du truc. Hein. Selon l'enquête, le niveau de stress des salariés Renault situe dans une moyenne basse. Sans décalage avec les enquêtes européennes et les panels de stimulus, donc ils donnent par catégorie, c'est très rassurant, et en gros, 21,5% des gens sont en hyper stress. Alors normalement, vous diriez ça, vous dites, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, pas du tout, c'est une information rassurante. 21% sont en hyper stress, un taux inférieur de 4,6 points au panel de stimulus. 21,6 dans le panel de stimulus, et comparable aux grandes enquêtes européennes récentes. Voilà. D'autant que, évidemment, Stimulus, qui est payé pour ça, ces enquêtes, il les a fait dans des endroits qui étaient en crise. Donc on a des chiffres élevés, et après, ces chiffres élevés, ils vont servir de référence. C'est ce qui explique probablement que ça ne se présente pas comme ça sur les enquêtes européennes, on a des chiffres moins. Mais voilà, donc c'est rassurant. Et la probabilité de tomber sur des choses comme ça est extrêmement grande. Ou alors vous allez trouver, bon, mettons c'est 22, vous allez trouver 23-24%, on va dire, il y a 3%, et bien on va faire ce qu'il faut pour essayer de rattraper ces 2% qui sont. Enfin, voilà, en gros, ça balade. Enfin, c'est des dispositifs vraiment d'enfumage. Hein, tu as parlé d'enfumage, c'est des dispositifs d'enfumage. Ce qui n'a rien à voir, je répète, hein, parce que. Il vaut mieux répéter plusieurs fois, mais parce qu'après, les gens en retiennent qu'on est contre. Moi, je parle de l'analyse statistique quand il s'agit de traiter. Non, je ne parle pas d'analyse statistique. Il y a des analyses statistiques extrêmement intéressantes qu'on peut faire. Enfin, il faudrait raconter, parce que moi, j'ai mené des travaux sur la statistique, mais où on part des questions du milieu. Parce qu'évidemment, dès qu'on met en évidence des choses, ça a des répercussions qu'on peut quantifier, etc. Mais ces analyses statistiques descendantes, autant c'est très important au niveau des enquêtes européennes, au niveau de la DARES, etc. Autant on ne peut pas plaquer ça comme dispositif d'études et d'action. Or, dans les entreprises, c'est ça, hein, les RPS. Dans les entreprises, les RPS, ça se traduit par ce type de choses. Merci beaucoup. Je vous ai mis de ouais, un truc qui est plutôt sur ce qu'on fait avec les syndicats, parce que je suis passé vraiment elliptiquement dessus, mais quand même qui a à voir avec travailler avec les salariés sur la distance entre l'activité et ce qu'ils sont capables de dire, et puis un qui est plus sur les difficultés d'expression sur le travail. Je laisse le PowerPoint, moins les racks, je n'ai pas le droit de laisser parce qu'il y a un copyright sur le... C'est une photo d'une une revue scientifique, on n'a pas le droit de les refuser. Oui, enfin, mon université à ce moment-là payait des copyrights, mais comme je suis. Ok, merci beaucoup. Donc, on peut engager la discussion, les questions, oui. N'oubliez pas de vous présenter pour l'enregistrement. Grégoire Millot, expert CHSCT. intéressant votre intervention percutante, si j'ose dire, à plus d'un titre. Je voulais revenir sur la démarche d'intervention telle que vous l'avez développée, et sur cette question de finalement s'intéresser aux questions vives au-delà des discours convenus. Je me posais la question de savoir, du coup, dans quelle mesure, de votre point de vue, le matériau qualitatif issu d'entretiens conduits avec des salariés avait un sens dans le cadre d'une intervention, d'une démarche diagnostique en entreprise. À mon sens, elle en a un, dans la mesure où il s'agit effectivement et évidemment toujours de confronter les discours, y compris dans ce qu'ils ont d'incomplet ou de partiel, à la réalité du travail vécu et observé quand on a la possibilité d'aller observer. De la même manière qu'effectivement un outil quantitatif de type questionnaire, sans aller jusqu'aux écueils que vous évoquiez à l'instant et sans aller sur une logique de benchmarking, peut permettre quand même de prendre des photos intéressante sur une situation donnée, micro, effectivement, et d'aller confronter ces photos, cet état des lieux, à des pistes interprétatives qui permettent de comprendre ce qui se passe et ce qui se joue dans le travail, effectivement. Donc, vous n'avez pas abordé la question sous l'angle, finalement, du faux débat d'un point de vue, objectivité, subjectivité des données recueillies. Oui. Parce que c'est effectivement, à mon sens, un faux débat. Oui, n'empêche que, du point de vue des directions d'entreprise, c'est aussi ce qui se joue dans la critique du matériau qualitatif issu d'entretien et d'observation d'activité. Oui, mais c'est subjectif, c'est le salarié qui vous dit ça, c'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Le débat ne se situe pas là, il se joue dans la confrontation de cette subjectivité partielle et incomplète, à mon sens, avec ce que, en tant qu'œil extérieur et en tant que médiateur d'une parole donnée et reçue, on peut mettre en perspective au-delà de cette incomplétude du matériau recueilli, si je veux dire. Je ne sais pas si c'est très clair. Je peux lui répondre parce que c'est une question tellement... Okay. J'ai survolé comme ça parce que il faut essayer, mais je crois que j'ai été trop long, mais donc comme c'était chose très importante, oui, la question des entretiens, évidemment, mais ça veut dire qu'il faut être un tant soit peu armé. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que dans les entretiens comme ça, au premier niveau, ce qu'on récolte, c'est ce qui a déjà été élaboré, etc. Enfin, c'est souvent déjà connu, et il faut pouvoir aider les gens à aller au-delà. Et pour, il n'y a pas 36 solutions. Pour aller au-delà, vous avez une façon, ce que font les ergonomes, ce que fait Yves Clos, y compris de façon extrêmement développée, hein, c'est-à-dire faire des entretiens d'autoconfrontation. C'est-à-dire on a ramassé, d'une façon ou d'une autre, un matériau assez riche sur l'activité. Bon, Clos fait des films, hein, mais enfin, ça peut être de l'observation. Hein. Et puis, on revient et on essaye de faire commenter. Voilà. Et en face de l'activité très concrète, les gens sont capables de mettre... Parce que vous les interrogez. Et parce que, vraiment, la pensée, c'est fondamentalement... se déploie dans un mécanisme dialogique. C'est parce que je suis interrogé que je vais... expliquer des choses que je ne m'étais jamais expliqué à moi-même parce que jamais j'ai eu l'occasion de discuter de ça. Donc soit vous avez des éléments d'activité, mais il y a des choses, il y a des professions, enfin je vois quand Yves Clos fait ça à Flin, bon ben, la chaîne est là, voilà, tu suis filmé, on va avoir des trucs quoi. Il y a des boulots où c'est, les problèmes ils prennent pas rendez-vous, c'est difficile l'activité, mais on peut faire un travail comme ça si on a un tant soit peu de traces un peu précises d'activité. Par exemple, moi je me souviens d'avoir travaillé avec des inspecteurs du travail où on prenait, par exemple, sur une entreprise, l'ensemble des courriers qui avaient été échangés et on questionne, mais très très précisément. Voilà, il faut avoir quelque chose qui les ramène à, voilà, où ils voient ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils l'ont écrit comme ça, enfin, etc. Et on pousse, et il faut faire de la ligne de travail. Ou bien, si on n'a pas tout ça, puisque on fait ça en consultation, par exemple, on n'a pas tout ça, il faut toujours aider les gens à sortir de la généralité. Spontanément, ils présentent les choses sur le mode des généralités. Et c'est, pour que je comprenne bien, est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement une fois, par exemple, la dernière, ou une qui vous a particulièrement... Et donc, des événements localisables en temps et en lieu, mais là, on ne lâche pas tant qu'on n'a pas tout compris. Quoi. Parce que, il se passait quoi, il fallait faire quoi, pourquoi c'était important, etc. Comment ça se fait que ça plante comme ça, voilà. Et on ne lâche pas. Et c'est, c'est une bataille. C'est-à-dire, le gars, il dit, oui, c'était par exemple lundi matin, j'étais en train de faire ça, et puis le chef arrive, et c'est toujours pareil à chaque fois. Non, pas toujours pareil. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là? Et on aide les gens. Et là, on arrive à sortir vraiment. Et ça répond à un objectif subjectif, parce que on passe d'un rapport subjectif aux situations à une analyse des logiques. Des logiques. On va tomber sur des conflits logiques, des choses qui dépassent les individus, qui dépassent la personnalité du chef. Moi, je vois, par exemple, des consultations. Je me souviens d'une consultation où le type me dit, ouais, le chef, c'est toujours un enfoiré, etc. Évidemment, quand vous êtes dans cette position, là, on se fait expliquer, etc. Le mec m'explique, etc. Bon, au bout d'un moment, on a extrêmement bien compris pourquoi il faisait ça, quels étaient les enjeux, etc. Nominément, etc. Je lui dis, mais alors, c'est extrêmement clair tout ça. Comment ça se fait que le chef, il vienne et tchac, il écrase le truc? Le mec, il me dit, ah ouais, mais parce que le chef, ce qui le préoccupe, c'est... Et il met en scène une autre logique, du délai, du bidule, etc. Et tac, on est passé de un conflit interpersonnel où c'est le salarié. Moi, j'en ai rien à faire que ça soit un conflit interpersonnel. Enfin, si j'en ai, mais quand même, au final, c'est le salarié qui perd, la plupart du temps, dans le conflit interpersonnel, à quelque chose qui est un conflit de logique. Et ça, ce conflit de logique, on va pouvoir le mettre en discussion parce qu'il existe pour d'autres. Parce que c'est l'autre point auquel on tient beaucoup là, dans les différentes façons d'agir, c'est que, et c'est une tension avec les militants syndicaux. Hein. Les militants syndicaux, bien souvent, dès qu'ils ont compris quelque chose, là, les dispositifs, les dispositions à l'action, le besoin d'agir se manifestent, et il y a une espèce ça fourmille d'aller intervenir au CHSCT ou faire une alerte, etc. Enfin, et donc, immédiatement, de s'adresser à la direction. Non. Premier destinataire de quelque analyse que ce soit sur le travail, c'est le salarié. Celui qui a besoin absolument de penser son affaire, c'est le salarié. Et donc, tout ce qu'on ramasse comme ça, on le remet en discussion avec d'autres. C'est comme ça qu'on fabrique des tissus sociaux, des points de vue communs et les capacités à les porter. Et ça permet de répondre à un dernier bout de votre question. Si on fait comme ça, n'importe quel bout d'enquête fait, même merdique, même un questionnaire Karasek, si vous l'utilisez pas comme quelque chose qui dit la réalité, mais en allant auprès des salariés et en essayant avec eux de voir comment ça se passe concrètement. Voilà. Et même, je me souviens de cas où les salariés marchaient mieux parce que l'enquête était merdique. Parce que tout de suite, ils voient comment l'enquêteur ça va pas, et rentre dans un truc. Et d'enquête où vous avez une super belle analyse, et ça scotche le salarié. Donc, bien sûr que les questionnaires, on peut les utiliser. Enfin, moi, je pense qu'on peut tout utiliser. Voilà. Mais dans la majorité des cas, non, c'est le questionnaire, vos actions. Ce qui se fait dans les entreprises à titre systématique, le questionnaire, vos actions, et puis tout le monde. Etc. Et puis, y compris, il y a parfois chez les militants syndicaux, il y a une illusion, parce qu'il y a un peu l'idée que ça marche comme dans la démocratie. Au-dessus de 50, ça vaut, en dessous, ça vaut pas. Quoi. Donc, ils s'attendent bien souvent à des trucs. Voilà, faire 50, 60% de stress, évidemment, c'est jamais ça. Enfin, une entreprise où il y avait 60%, elle est morte, elle a disparu. On trouve des gens qui sont là, et donc ils sont. Voilà, c'est pas l'idée qu'ils anticipaient, etc. Ils sont un peu. Donc toute la question, c'est comment on se sert de ce qui vient, fondamentalement, comment on se sert de tout ce qui passe pour mettre en discussion le plus concrètement possible les questions du travail. Voilà. Et ça. Ça a l'air d'amener très loin de ce que disait Thomas, hein, les grands. Mais pour nous, pas du tout. C'est les gens font très concrètement l'expérience de qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi les conséquences d'avoir un siège qui est on ne sait plus où, enfin, avec des directions. Hein, quelles sont les conséquences de travailler avec une partie du personnel précarisé là. Et ça, c'est important parce que, moi, je ne pense pas qu'il y aura un citoyen qui viendra sauver le travailleur, parce que c'est le même. Et que les gens, Karasek avait travaillé là-dessus, hein, les gens qui ont le sentiment de ne pas pouvoir avoir du tout la main sur leur travail, eh ben, ça ne fait pas des citoyens engagés dans la vie sociale, la démocratie, etc. Ça fait plutôt des gens qui sont désespérés, etc. C'est ceux qui vont voter Front National, etc. Enfin, c'est, ça, voilà, la question de la démocratie. Les pères américains de la démocratie, qui n'étaient quand même pas n'importe qui, hein, disaient, la démocratie, si elle ne se déploie pas à différents niveaux, elle boite. Non, boîte, c'est quand il dit, enfin, c'est, ça voulait dire ça. Ça, voulait dire. Ça permet de répondre à la question de Gilles Seitz. Moi, je travaille avec... moi, je pense que la question de la démocratie, elle, comme exigence, elle est inscrite dans ces fonctionnements. Enfin, disposer des dispositifs, des moyens de discussion collective sur les enjeux, sur les finalités, sur les moyens, etc. Évidemment, quand on dit la démocratie, là, c'est pas que l'entreprise va fonctionner en assemblée générale avec une démocratie. Et donc, moi, j'étais dans une réunion hier, on écrivait un texte avec des responsables syndicaux. Eux, ils avaient tendance à appeler ça démocratie syndicale. Autrefois, ça s'est appelé démocratie ouvrière. C'est pas fonctionnement démocratique de l'entreprise. L'entreprise, elle reste. C'est établir des fonctionnements démocratiques dans, à l'intérieur des salariés. Je n'ai pas parlé, hein, mais ça veut dire dans les enquêtes, essayer de faire émerger justement les différences. Hein. Les salariés, ils sont fragilisés. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Hein. Les accords sont à construire. Donc ça suppose d'aider à faire émerger, y compris les points de vue minoritaires. Et puis la question de la démocratie entre le syndicat et les salariés, et puis la question de la démocratie entre les salariés, à l'intérieur du syndicat, enfin, c'est ça. Après, tac, c'est Thomas qui a la balle pour les étages supérieurs et qui s'en occupe. Oui. Oui. J'avais juste une micro-remarque et puis une question. Alain Carré, hein, médecin du travail retraité syndicaliste. Donc je suis assez d'accord avec toi pour disons le peu d'enseignement ou d'intérêt des enquêtes statistiques. Il reste néanmoins, c'est une remarque évidemment secondaire, mais il reste néanmoins que dans un certain nombre de stratégies d'entreprise, il y a une négation de l'existence de ces phénomènes. Et donc c'est parfois, mais bien sûr c'est assez rare, un moyen de mettre en visibilité quelque chose que déjà au premier niveau, la défense de la direction qui prétend que tout se passe bien, que c'est le pied dans cette entreprise, ça permet quand même de pousser un tout petit peu, de mettre le pied dans la porte. Mais bon, c'est un intérêt tout à fait secondaire. La question que plus sérieuse que je voudrais poser, c'est la question des méthodes d'organisation du travail qui utilisent la compétence des salariés contre eux-mêmes. Je veux parler bien évidemment du lean management, hein, ça, pour le nommer. C'est-à-dire en fait des techniques qui vont viser à pomper, à identifier les habiletés et s'en servir en quelque sorte en dernière analyse contre la santé des travailleurs. Donc, enfin, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça? Pour améliorer la productivité, ce qui se traduit améliore la productivité. mais ce qui va donc augmenter l'intensification et éventuellement la santé sociale va... C'est une super question, très compliquée parce que évidemment, quand les employeurs, quand ils font du lean, ils ne disent pas on va dégrader la santé des salariés. Ils disent on va mettre en place des processus de discussion, etc., pour améliorer. Et de fait, beaucoup de salariés y vont. Parce qu'il y a vraiment un besoin de discuter sur le travail. Enfin, ils manifestent la persévérance dans l'être, le conatus, enfin, le besoin de développer ce qu'on produit. Le problème, c'est que ils vont faire l'expérience que tu dis. C'est que d'abord, le lean, c'est comme ce que disait Thomas sur Lachman et compagnie. Hein. Il y a la théorie, la pratique. Puis il y a ce qui se fait concrètement. Parce que la théorie du lean, c'est amélioration continue, mobilisation collective, augmentation des compétences, etc. Enfin, un processus, un truc très, très, très joli, hein. Enfin, si vous regardez, qui suppose des conditions historiques totalement improbables. Enfin bon, c'est très joli. Dans la réalité, c'est pas du tout ça qui va se faire. Hein. C'est le management, un, il ne fait pas de l'amélioration continue. Hein. On fait des Kaizen Blitz. Enfin, il s'agit juste de. Enfin, en gros, l'encadrement va essayer de mettre en discussion les questions qui le préoccupent. Voilà. Et filtrer celles sur lesquelles. Évidemment, l'encadrement, un truc qui apparaît pas là, mais l'encadrement est en crise aujourd'hui. Hein. On est dans une situation de crise de l'encadrement très, très, très massive. Hein, la période béni de l'encadrement, c'était les 30 glorieuses. Après, on rentre dans une période où les cadres, ils ne savent pas très bien où ils sont. Enfin, c'est extrêmement difficile. Et ce qu'on va rencontrer systématiquement, c'est que les cadres, qui passent quand même leur temps à gérer le bazar. Hein. Parce qu'il y a la couche qui tourne, dont a évoqué Meta, tout un encadrement de terrain, lui, qui ne tourne pas, hein, et qui se colle le fait d'avoir des chefs qui tournent tout le temps. Et ceux-là, ils n'arrivent pas à faire remonter, enfin, c'est systématique, hein, quand on intervient en entreprise, on arrive à mettre des choses en discussion avec les directions, c'est des choses que les gens dans l'encadrement ont déjà essayé depuis longtemps de faire remonter, et qu'ils n'arrivent pas à remonter. Donc, l'encadrement, quand ils font le lean, on passe charger en plus des problèmes qu'ils essayent de régler, de tout un tas de problèmes que vont amener les salariés. Enfin, il y a un problème d'auto-préservation. Donc, en gros, si on regarde, l'avantage du lean, c'est que avec ça, on peut à peu près tout faire. Hein. C'est une énorme boîte à outils qui couvre extrêmement large. Et en gros, les gens vont prendre dedans ce qui les intéresse. Et bon, je me souviens, il y a eu des évaluations du Lean globalement en Allemagne parce qu'ils ont commencé bien avant nous. Et en gros, l'idée, c'est le Lean, ça consiste à faire un peu plus de la même chose qu'avant, simplement en l'habillant. Enfin, voilà. Si on avait de la discussion, ça permet d'ordonner la discussion. Si on était taylorien, ça permet de faire du taylorisme. Alors que c'est totalement, dans la théorie, totalement inverse. Donc, tout ce que tu disais, enfin, à un moment, les salariés. Ils se retrouvent pris dans des processus où les améliorations, ce qu'on connaît bien hein, comme professionnel de santé au travail, parce que le nombre d'améliorations qu'on a essayé d'amener, qui, quand on amène quelque chose, libère des espaces qui sont investis par l'intensification, ça, on connaît. Ça. La question, c'est comment réagir à ça? Moi, dans les. Alors là, c'est que des opinions, hein, je pense que tu as une opinion aussi, que je ne sais pas si c'est la même, enfin, c'est vraiment sujet à débat. Moi, j'ai tendance à dire aux militants syndicaux, ça ne sert à rien de vous coucher en travers des rails et d'attaquer les salariés qui vont là. Parce qu'ils vont galérer de toute façon. Et peut-être que la solution, ça serait de les aider à porter les choses qui les préoccupent. C'est-à-dire de se brancher sur le dispositif pour en tirer ce que les salariés s'efforcent de déployer. Parce qu'il y a quand même un enjeu à l'heure actuelle d'alliance, c'est l'alliance avec les salariés experts, quoi. Ceux qui sont particulièrement, enfin, ceux qui étaient à l'origine de la formation du syndicalisme, hein, initialement, les ouvriers professionnels, ceux qui ont un métier, enfin, ceux qui. Pas uniquement ceux qui sont en difficulté, je pense que c'est des gens qui sont extrêmement importants. Et qui sont gagnables à partir du moment où on sort d'un discours purement victimologique et où on pose la question de la construction ensemble d'un travail qui vaille, qui soit de qualité à tout point de vue, et où les finalités sont un tant soit peu discutées, tout ça. Enfin, donc je ne sais pas comment faire, mais moi, mon idée, c'est qu'il faudrait attraper ce qu'il y a de mouvement positif chez les salariés qui y vont, de telle façon que ça ne tombe pas à plat comme ça va le faire. Souvent. Mais moi, je n'ai pas d'expérimentation là-dessus. Il y a sûrement des gens qui ont expérimenté. Mais... Oui, une ou deux dernières questions. Oui, pour plaisir, psychologue du travail. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé votre intervention. Je retrouve point par point, vous l'incluez dans la clinique médicale du travail. Moi, j'ai trouvé point par point des convergences avec l'analyse du travail que pourrait faire Luclo dans. La clinique de l'activité qui est de la psychologie du travail. Vous citez sur la méthode des confrontations croisées, vous avez parlé aussi avec vos patients de revenir point par point sur l'humain, ça c'est la méthode du sosie. Donc moi, pour pouvoir bien comprendre aussi les rôles et les acteurs sur les RPS et ce champ-là, quelles sont les divergences que vous pouvez voir par mais, rapport à ces non, mais ça, c'est très clairement... Non, alors je pourrais parler des divergences avec deux jours, mais là, non, il mais se là, trouve qu'avec l'eau, c'est très convergent parce qu'on a des héritages qui se recouvrent très, très fortement. Bon, moi, je suis passé par l'ergonomie, Wissner, hein, comme vous disiez. Hein, donc, Yves, quand même, s'inscrit dans... C'est ça qu'il dit. Il dit, on reprend l'héritage de l'ergonomie pour le développer. Simplement, la spécificité, c'était ce qui le caractérisait vraiment, mais beaucoup moins maintenant, mais c'était l'ancrage sur la psychologie soviétique des années 30 et vraiment Vygotsky. Enfin, c'était... Voilà, il y a une époque, c'était la référence, vraiment, de à cette époque-là. Par exemple, si on prend les questions sur la qualité, c'était des questions qu'on portait, y compris avec deux jours à l'époque, dans les années 90. Parce que c'est des questions, enfin, c'est pas Iflo qui les a fait sortir, il les a bien déployées, mais on est en face des mêmes réalités. Et quant à l'autoconfrontation, non, c'est repris de l'ergonomie, c'est pas Iflo. L'autoconfrontation, c'est un outil des ergonomes, et l'autoconfrontation croisée qu'Iflo a repris. Le sosie, c'est Ivar Odon avec Bernard dans les années 80. On faisait du sosie dans les formations de CHSCT. Donc on est héritier des mêmes, et finalement on est préoccupé par les mêmes choses. Pas tout à fait pareil, parce que moi je rentre par les atteintes à la santé, alors que lui il rentre avec l'idée de fonder une psychologie clinique du travail. Donc c'est pas exactement les mêmes objectifs, mais c'est les mêmes héritages. Et moi, je vois pas beaucoup de... Et tant mieux, hein, si on est vraiment... Mais, en gros, moi, je dis... On pourrait dire que je décris, je tiens avec l'appareillage qui est l'appareillage de mon insertion sociale, c'est-à-dire enseignant-chercheur dans une fac de médecine. Donc, les données... Je n'ai pas parlé de psychologie, hein. Je décris la même chose que Yves développe dans le domaine de la psychologie. Et donc, il n'y a pas de divergence. Ah non, oui, oui. Ah non, j'ai aucune divergence. Au contraire, moi, je me réjouis beaucoup, parce que si, il y a une différence quand même, c'est la surface sociale d'Yves à partir du moment où il a la chaire du CNAM. Et donc, le potentiel de faire avancer et de développer est bien plus grand que le mien, et donc je bénéficie. Enfin, voilà. Mais c'est question de qualité. Que Yves a fait émerger avec son bouquin là, le cœur à l'ouvrage qui date de il y a quelques années, c'est des trucs qu'on travaille depuis les années 90. Mais à l'époque, on était dans le même labo. C'était le labo de jour. Hein. Tout le monde était dedans. Hein. Il y avait deux jours, Dominique Millier, Christophe, Yves Clos, enfin, avant grand. La grande scission de la psychologie du travail. Ouais, ouais. Deux mots pour dire. D'abord, dans les discussions du collège d'expertise entre Golac et toi sur la validité des enquêtes statistiques en entreprise, moi j'avais du mal à me faire un. J'étais sensible aux arguments des deux côtés et finalement tu m'as convaincu. Donc je pense que ton argumentation que j'ai déjà entendue, mais je pense effectivement, dans 99% des cas, les enquêtes statistiques en entreprise, c'est non-fumage. Ça sert à... Moi, je peux le dire d'autant plus aisément que j'ai participé à une enquête dans le ministère sur les risques psychosociaux, mais ça du travail, et que j'ai vraiment vu de l'intérieur à quoi ça sert. J'ai dû contribuer en tant que professionnel à la statistique, mais honnêtement... voilà, c'est vraiment... Donc ça, je pense que vraiment tu as raison sur ce point-là. Je ne connais pas de cas où c'est... Avec la limite qu'il disait, c'est qu'on peut toujours se servir d'un truc, oui. Même merdique, oui. Alors, mais les gens ne savent pas faire. C'est ça le problème. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on constate que les gens, quand on leur passe un questionnaire sur leur travail, ils sont extrêmement contents. Absolument. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup d'intelligence dans le questionnaire. Ça les amène, oui. Ça les amène à faire cette. Exactement. Parce que ça les aide à mettre des mots, bien sûr. Et Sauf que c'est des mots un peu généraux. Mais c'est très important, ça les aide. Un exemple frappant pour moi, c'est les enquêteurs de l'INSEE, les enquêteurs de l'INSEE qui ont passé l'enquête quand ils sont sur le terrain, ensuite ont exigé la direction de l'INSEE, on leur passe l'enquête à eux-mêmes. Donc là, on est en train d'exploiter l'enquête auprès des enquêteurs, l'enquête conditions de travail passée auprès des enquêteurs d'enquête conditions de travail. On est en train de faire l'exploitation de cette enquête parce que eux-mêmes se sont dit, en passant l'enquête, ils se sont dit, mais ça dit tellement de choses sur mon travail que je veux que... Et juste un dernier truc, c'est là où on a sans doute peut-être une différence ou une divergence, je ne sais pas, mais en tout cas, le livre de Clos sur le choix, de deux jours sur le choix, me laisse extrêmement mal à l'aise. Mais je ne l'ai pas lu. Ah, c'est cette idée qu'on a le choix et que voilà, il y a des bons managers et des mauvais managers. Je ne suis pas du tout d'accord avec deux jours. Hein. Dans deux jours, il y a un moment où il a bifurqué. Enfin, il y a eu un moment où la psychodynamique du travail a tenu vraiment une position. C'était l'époque où il y avait tout le monde dans le même labo qui tenait la question du potentiel de développement lié à l'activité. Il écrivait à l'époque, il y a un potentiel de renouveau inépuisable dans le travail quotidien. Et puis la question de l'aliénation, puisqu'il y a les deux choses, aliénation et puis ce qui relève du moment. Et il y a eu un moment, dans le milieu des années 90, où il a rebasculé sur l'aliénation. L'explication que j'en ai un petit bout, hein, parce que je pense qu'il y a plein d'éléments d'explication, enfin expliquer l'action c'est toujours compliqué, mais le projet de Christophe, ça a toujours été de revenir sur la psychiatrie, la psychanalyse. Toujours. Il n'était pas là pour fonder une psychologie du travail, il était là pour revenir armer des questions du travail sur sa communauté d'appartenance d'origine. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait, voilà, il est dans un laboratoire psychanalyse maintenant. Et sérieusement, qu'est-ce que tu peux travailler et discuter avec les psychiatres et les psychanalystes ? L'aliénation, ce que travaillent les psychiatres et les psychanalystes, c'est le registre de l'aliénation. Les questions de l'émancipation telles qu'on les travaille dans le travail, ça, c'est pas dans leur champ. Je pense que ça a beaucoup bien sûr, mais à un moment, il a rebasculé. Et donc, tu as un développement de la théorie en psychodynamique du travail qui se réduit beaucoup, avec quelques points clés. C'est centré sur la psychodynamique de la reconnaissance, hein. Ce que cherche l'être humain dans le travail, c'est la reconnaissance. À partir du moment où tu dis le désir de l'homme, c'est le désir de reconnaissance, tu as fabriqué un modèle de la conformité sociale. Tu n'as plus ce qui permet de sortir. Et cette quête de la reconnaissance assujettit les salariés au management, hein, parce que c'est reconnaissance par le management. Et à partir de là, même s'il y a plein de choses qu'il faut développer dans le travail, les salariés, sur la dynamique de leur activité, n'accéderont jamais aux dimensions éthico-politiques de leur activité. Et donc, il l'écrit hein, quand même dans un certain nombre de textes, et donc, l'espoir est du côté d'une couche qui aurait accédé, elle, à l'autonomie morale subjective, et qui sont du côté de managers éclairés, et qui seraient susceptibles d'ouvrir les espaces pour les salariés, etc. Et voilà, il le dit régulièrement dans les conférences, hein, c'est les rapports avec quelques directions, etc. Mais fondamentalement, il est sur le vieux modèle grec, hein, le travail, c'est fondamentalement aliéné, l'émancipation est du côté de la culture. Et donc, alors le problème, c'est qu'il ne l'écrit pas dans les textes qui circulent massivement, mais il l'écrit très précisément dans un certain nombre de textes, où il écrivait très... Dans le deuxième tome de son bouquin, Le Travail Vivant, il écrit très précisément. Enfin, la cible, c'est le management. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait la même. Moi, la cible, c'est l'élaboration... Enfin, moi, je pense, oui, que les salariés, sur la base de leur expérience, ont tout ce qu'il faut pour développer des points... un point de vue éthique et politique, parce que les questions vitales du monde sont présentes dans la classe de l'institutrice, au lit du malade, au lit d'infirmière, dans la conduite du conducteur de train. Enfin, voilà. Donc là, on n'est pas du tout d'accord. Alors, si c'est sur ce truc-là. Ah non, c'est juste. termine, c'est la question du pouvoir. C'est-à-dire, en fait, on voit souvent dans les accords QVT, par exemple, il est dit de façon répétitive que la bonne santé des salariés, l'épanouissement des salariés, c'est un facteur de performance. Et quand même, tu as tendance aussi à dire souvent que c'est pas rationnel de la part des directions d'imposer des modes d'organisation mutilants, etc., que ça pose y compris des problèmes du point de vue managérial, du point de vue de la qualité, du point de vue de la performance, etc. Bon. Et alors, moi, ce qui me semble très important dans les approches, notamment les économistes radicaux américains, c'est cette idée que l'organisation du travail, ça n'est pas, peut-être pas principalement, en tout cas pas seulement une question d'efficacité, c'est une question de pouvoir. Ah mais non, mais... Et que, à la limite, entre deux modes d'organisation, dont l'un va permettre de développer l'intelligence des salariés, leurs compétences pour autonomie, et l'autre va la motiver, à performance financière égale, les directions vont systématiquement choisir le deuxième. Oui, bien sûr. Et même à performance plus supérieure pour le mode le plus efficace sur le plan économique, ils vont choisir celui qui est le plus efficace du point de vue des rapports de pouvoir. Et là, mais sur un truc, là, ouais, non, là, je bute pas parce que ah non, ça se prend entièrement ce que tu dis. Évidemment, c'est comme ça. Le petit problème, c'est que les salariés vont pas laisser couler. C'est-à-dire les trucs qui sont, enfin, là, et les salariés, ils vont se défoncer pour quand même arriver à sortir la production malgré tout. Voilà. Et donc, tu peux pas contourner ça. Voilà. Et il faut donc penser ça. Enfin, il faut ensemble penser. Ah, mais quand on met ça en truc, c'est pas pour faire du lean, etc. C'est pour fabriquer de la capacité collective d'affirmation et y compris porter un discours critique sur le fait et fabriquer du pouvoir. La mise en discussion, non mais c'est sérieusement, dans la recherche action Renault, je me souviens, à Sandouville, on travaille comme ça, hein, on fait travailler les militants à ce qui s'efforce de mettre en discussion les questions telles qu'elles se posent pour les salariés. Si les salariés se posent la question du fait que l'organisation c'est merdique et que c'est les portes gauches qui arrivent quand il faudrait monter les portes droites sur la bagnole, etc., enfin, supportent pas les salariés. Mais ça en discussion, les salariés, le fait d'en discuter entre eux, fabrique des liens sociaux, fabrique des causes communes, fabrique de la puissance. Et je me souviens, les mecs, ils avaient acheté un chronomètre pour contrôler la vitesse d'engagement sur la chaîne, parce que discrètement, à certains moments, sans le dire, tac, il y a des petits crans qu'on peut mettre, on peut gagner 10%, enfin, la chaîne, etc., on contrôlait, et puis, voilà, obtenir un certain nombre de choses, dans un certain nombre de cas, y compris obtenir du personnel, etc. Et puis, je me souviens, une équipe, là, qui avait obtenu des toutes petites choses, hein, mais qui luttent contre l'aberration dans laquelle ils sont. À un moment, on leur change leur chef, on leur met un chef, ils disent non, on ne veut pas ce chef-là. Et l'élection retire le chef. À partir du moment où les salariés sont d'accord entre eux, c'est la capacité de cadrage est quand même... Enfin, un, d'accord entre eux, et deux, avec des argumentaires sur lesquels la direction ne peut pas se prévaloir de l'intérêt supérieur de l'entreprise, puisque ce qu'on montre, c'est... On va devoir s'arrêter. Je voudrais juste faire une remarque, justement, sur ce que Thomas, si je peux me permettre, Thomas, oui. et M. Dovzy dit. En fait, c'est un truc que je ressens comme ça et qu'il faut que je dise, justement. Mais très rapidement, malade. Parce que sinon... malade. Sinon, c'est... ce que je voulais dire, c'est que les directions, les gens de pouvoir s'arrangent pour que cette discussion commune des salariés n'ait pas lieu, ou soit carrément détruite par une façon de les séparer, me semble-t-il, au sein des organisations, du style, bon, on fait ça, tu me dis pas, on t'augmente, mais c'est que toi. Et c'est ça qui se rend compte. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et en même temps, je vois pas arriver dans les organisations, toujours, cette discussion commune possible, parce qu'on fait tout pour que ça ne se passe pas. Non, mais c'est ce que j'essaie de montrer, il y a des réalités. Mais bien sûr que c'est pas simplement, les manœuvres pour diviser le collectif. Il y a des choses là dans le mode d'organisation du travail aujourd'hui qui rend très compliqué. Oui.